Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et vous avez certainement entendu parler d'un certain déclin des abeilles, que ces abeilles et autres insectes pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des fleurs. Jean-Pierre Rogel est journaliste scientifique, vous l'avez peut-être entendu dans les reportages de Découvertes à Radio-Canada ou lu dans des reportages de Québec Science. Eh bien, il vient d'écrire un livre intitulé « La crise des abeilles, une agriculture sous influence ». C'est un livre paru aux éditions Multimonde. Et dans ce livre, il fait le point sur ce déclin des abeilles. Il pointe comme agent coupable les insecticides de la classe des néonicotinoïdes. Il est avec nous pour nous au téléphone et il va nous expliquer tout ça. Bonjour, Monsieur Rogel. Oui, bonjour. Alors, je vous propose peut-être, dans un premier temps, de nous présenter ces abeilles dont on parle. En fait, parce que pour nous, les abeilles, c'est un petit peu les abeilles domestiques, mais quand on parle du déclin des abeilles, est-ce que c'est essentiellement le déclin des abeilles domestiques ou est-ce qu'on parle plus généralement des autres insectes pollinisateurs qu'on peut trouver dans la nature? Alors, c'est les deux. En fait, c'est le déclin des insectes, des pollinisateurs sauvages, particulièrement des abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles, hein. Il y a beaucoup d'espèces. Il y a 20 000 espèces. La plupart sont solitaires. On les voit pas. Ils ont des petites vies, des petits nids dans la terre et tout ça. Mais ce sont des pollinisateurs des plantes et ils permettent aux plantes de se reproduire, de faire des fruits. Alors, c'est un rôle écologique extrêmement important. Mm-hmm. Mais quant aux abeilles qu'on connaît, eh bien, c'est les abeilles qui sont dans des nids, les abeilles, les bourdons. Il y en a environ 350 espèces au Québec. Mm-hmm. Mais le plus connu, bien entendu, c'est l'abeille qu'on a domestiquée. Alors, c'est un genre, hein, ça s'appelle Apis, les abeilles du genre Apis. Il y en a 9 espèces. Puis il y en a 2 qui sont domestiquées, une en Asie, puis une partout dans le monde. C'est Apis mellifera, celle qui nous donne le miel, parce qu'elle est élevée dans des ruches. Mm-hmm. Mais donc, ce déclin des abeilles, il touche aussi les bourdons noirs là, qu'on voit, qui sont donc un peu plus gros, puis qu'on voit des fois sur nos fleurs dans les jardins. Oui, alors, bon, on s'inquiète beaucoup du déclin des abeilles domestiques parce que c'est très important, c'est une culture là, importante, ça fait partie de l'agriculture, puis elles nous donnent le miel, elles sont précieuses pour la pollinisation et tout ça, et c'est un déclin qui est bien documenté maintenant depuis une quinzaine d'années. Pour les abeilles sauvages, je le dis tout de suite, là, on a des signaux d'alarme et on a quelques études qui montrent que, bon, il y a des espèces de bourdons qui ont disparu. Le bourdon, un des bourdons roux, il y a 2 espèces d'ailleurs au Canada, là, qui est maintenant en disparition totale. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a des signes qui sont alarmants en même temps et ce sont probablement les mêmes facteurs environnementaux, la perte d'habitat et aussi la pollution qui attaque les insectes sauvages. Mais ce qui est l'alerte mondiale, c'est le déclin des abeilles parce qu'il est constaté dans une trentaine de pays dans le monde. Alors c'est des on constate ça parce que les ruches, il y a des pertes chaque année d'à peu près 20%, 30%, et ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Alors c'est ça la situation actuellement. Le déclin, c'est autour de... Alors c'est quand même difficile d'élever des abeilles, donc on s'attend à ce qu'il y ait des pertes d'à peu près 5-10%, mais depuis une quinzaine d'années, le niveau des pertes tourne autour plutôt de 20-25%, et ça c'est pas tenable. À long terme, l'apiculture va s'effondrer si on ne fait pas des efforts pour rétablir cette production. Oui, puis je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que, bon, vous le soulignez, les abeilles jouent un rôle dans la nature, dans les cultures, pour la pollinisation, donc pour le maintien, il y a tout un rôle dans l'écosystème. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on a besoin aussi de plus en plus des abeilles et des ruches pour justement pour polliniser les champs. Donc les gens, les propriétaires de ruches sont appelés à se promener d'une ferme à l'autre pour aider à la pollinisation. Oui, alors la pollinisation des plantes cultivées. Oui, des plantes cultivées, oui. C'est ça. Et puis, on parle des abrutiers, on parle des petits fruits, les bleuets au Québec, c'est l'exemple le plus important. Une industrie importante, les amandes. Toutes 85% des amandes dans le monde qui sont commercialisées viennent de Californie. Si du jour au lendemain, ces fleurs-là d'amandiers n'étaient pas pollinisées par des abeilles, ça s'effondrerait totalement. Alors, de nos jours, les apiculteurs, ils louent les services de leur ruche aux gens qui sont des producteurs maraîchers, des producteurs de plantes cultivées, et ils les déplacent sur des longues distances, qui est d'ailleurs un des facteurs de stress où on montre que c'est pas très évident pour les abeilles se faire promener comme ça à droite et à gauche sur des milliers de kilomètres, mais c'est pas le facteur principal du déclin. D'accord. Donc quels sont vous en identifiez plusieurs dans votre livre, Monsieur Rogel, des facteurs, des coupables finalement de ce déclin. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Oui, ben on peut faire le portrait rapide. Ça fait quand même un certain temps que les abeilles vivent avec des parasites, des maladies. Il y a un petit un acarien, en fait, c'est une espèce de crustacé qui est terrestre et qui s'accroche sur le dos de l'abeille et lui suce son sang, en fait, l'équivalent de son sang, des hémolymphes. Alors ça fait périr lorsqu'il y a une infestation de varroa, cet acarien, une colonie peut s'effondrer en l'espace de quelques années si elle n'est pas traitée. Bon, fort heureusement, il y a des traitements, c'est un petit peu compliqué parce que c'est des acaricides, ça peut être aussi des produits chimiques, mais c'est aussi des produits naturels. Au Québec, là, on lutte avec des produits naturels. Alors, ça, c'est un facteur, c'est ce varroa qui est venu d'ailleurs d'Asie, puis s'est répandu partout dans toutes les cultures, les ruches. Et puis, y a un champignon microscopique qui s'appelle Nosema qui finit par envahir certaines ruches aussi, puis à créer des débats. Il y a des maladies parasitaires, il y a des virus. Alors ça, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais qui est en recrudescence depuis une quinzaine d'années. Toutefois, le déclin massif des abeilles correspond avec l'introduction en agriculture de pesticides, en fait d'insecticides d'un nouveau genre, d'une nouvelle catégorie qui s'appelle les néonicotinoïdes. Et c'est le coupable le plus important probablement de ce déclin. On peut le dire maintenant. Je pense qu'on pouvait pas le dire il y a 10-15 ans, puis on pouvait dire c'est des facteurs importants, multifactoriels, maintenant on peut dire de façon certaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'études scientifiques, que les insecticides néonicotinoïdes causent des morts massives parmi les élevages d'abeilles. Et est-ce qu'on sait comment ces néonicotinoïdes agissent sur les abeilles pour provoquer leur mort? Oui, mais au départ, ce sont des insecticides, donc c'est un petit peu normal. Ils vont tuer les insectes nuisibles, et puis en même temps, ils vont tuer ces insectes qui sont bénéfiques pour les humains. Alors le mécanisme au départ est le même, c'est une neurotoxicité, c'est une toxicité à très très très petite dose de ces résidus d'insecticides qu'on épanse sur les cultures et qui vont être absorbés par l'abeille, par le contact ou par l'ingestion, si elle boit par exemple de l'eau qui est contaminée, et puis elle va en mourir. Alors parfois, c'est de deux façons. C'est le choc toxique immédiat, ça s'appelle une dose létale, puis on calcule qu'elle meurt en quelques heures, en 24 heures, mais il y a aussi une mode de toxicité qu'on a découvert, on le savait un peu, mais on a découvert à quel point c'est important, c'est la toxicité sublétale. Ça veut dire que l'abeille ne meurt pas du premier coup, elle n'est pas intoxiquée gravement, mais elle va finir par avoir ces fonctions de vie qui sont altérées. Et ça, on comprend ça très bien quand on dit que c'est une neurotoxicité, donc l'insecticide se fixe sur des enzymes du cerveau de l'abeille, et l'abeille finalement elle a un GPS, et quel GPS, puisqu'elle peut naviguer à travers des milliers de fleurs, puis aller directement au nectar, transporter le pollen et tout ça, et son GPS est perturbé par l'insecticide. Alors, pas de GPS, panne de GPS, incapable de naviguer, incapable de retrouver sa route, incapable de se nourrir, l'abeille va finir par mourir. D'accord. Donc là, vous dites, donc parmi les différentes causes susceptibles d'expliquer ce déclin des abeilles, donc il y avait l'acarien, des champignons, des virus et ces fameux néonicotinoïdes. Et vous disiez, maintenant on est à peu près sûr que c'est les néoniques, de leur petit nom, qui sont la cause principale du déclin. Qu'est-ce qu'on a comme preuve pour avancer vraiment que ce sont les néoniques qui sont la cause de ce déclin? Bien, il y a eu des accidents importants sur lesquels on a enquêté. Par exemple, en 2012, au Canada, on a introduit dans les grandes cultures des champs de maïs et de colza, on a introduit un néoniconicotinoïde qui est l'imidacloprid et qui était en enrobage de semences. C'est-à-dire que quand l'agriculteur met des semences dans les champs, eh bien la graine, la semence est déjà enrobée d'insecticides. Mm-hmm. Et l'insecticide va se diffuser quand la plante va grandir. Alors il est comme la plante est comme protégée. Sauf qu'en faisant ça, il y a dispersion de poussière dans les airs, les graines sont cassées par le mécanisme d'injection, mm-hmm. et on retrouve, et ça on l'a trouvé, on retrouve des résidus de cet insecticide néonicotinoïde, on a retrouvé dans les champs à côté, ça s'est vu en Ontario, ça s'est vu au Québec aussi, et on a pu relier la mortalité importante de ruches qui étaient au bord des champs à la présence de néonicotinoïdes. On en trouvait dans les résidus, on en trouvait dans les plantes, dans les fleurs, mm-hmm. on en retrouvait dans les abeilles directement parce qu'elles mouraient de façon importante dans les ruches. Alors, ce sont des preuves qui ont été faites et refaites par plusieurs équipes de manière indépendante dans le monde, et maintenant on sait que les résidus de néonicotinoïdes qui sont présents dans l'environnement causent massivement la mort des abeilles. Alors, faut dire que les néoniques, c'est vraiment une histoire, un succès absolument extraordinaire de l'industrie qui les a fabriqués. Ce sont devenus les insecticides les plus consommés de la planète. Mm-hmm. Donc, il y en a partout. Et les grandes cultures, celles dont nous sommes très friands en Amérique du Nord, là, les grandes surfaces de maïs, de colza, tournesol et tout ça, s'appuient lourdement sur des traitements, soit par des semences préalablement enrobées néonicotinoïdes, soit par des arrosages lorsqu'on voit apparaître quelques insectes nuisibles, ou qu'on craint l'apparition de ces insectes nuisibles aussi. Il faut dire que notre agriculture en est rendue à faire des traitements quasiment préventifs, ce qui est contraire à la logique. On ne devrait traiter que lorsqu'il y a vraiment une infestation. Mais ça, vous me disiez, donc, ces observations qu'on a faites là, sur des ruches qui étaient, dont la mortalité dans des ruches qui étaient à proximité de ces champs où on avait utilisé des néonicotinoïdes, c'était en 2012. Maintenant, on est en 2017 quand même, et j'imagine que quand même l'utilisation de ces pesticides au Canada doit être autorisée par. Au Canada, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, il y a l'ARLA, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, qui dépend elle-même de Santé Canada et qui doit homologuer l'usage des pesticides dans les champs. Donc, depuis 2012, donc l'ARLA n'a pas fait son travail? Non, de façon rapide, on peut dire que l'ARLA ne fait pas son travail. Le Santé Canada, enfin l'ARLA, c'est la même chose, évalue au départ les nouveaux insecticides et les ont approuvés rapidement, même si on avait des raisons de s'inquiéter. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas exigé des tests de toxicité en plein champ, par exemple. Mm-hmm. Et quand les preuves sont arrivées que c'était beaucoup plus nocif que ce qu'on pensait, l'ARLA aurait pu utiliser son pouvoir de suspension de l'utilisation de l'homologation de ces pesticides-là et ne l'a pas fait. Donc, c'est anormal parce qu'on avait des preuves scientifiques très, très fortes. Alors, en Europe, si on compare, en Europe, dans la plupart des pays européens et l'Europe elle-même en tant qu'entité, ont mis beaucoup de restrictions dans les utilisations des néonicotinoïdes. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, mais ils se rapprochent, ils ont des calendriers comme quoi on va en terminer avec les néonicotinoïdes d'ici 2-3 ans, d'ici l'an prochain en ce qui concerne la France. Et le Canada est en retard sur ce calendrier parce que le Canada est un peu lié dans ses évaluations, bien que le Santé Canada soit autonome, elle copie beaucoup ce que fait les Américains, puis les Américains ont approuvé très rapidement ces néonicotinoïdes, et même chose, ne sont pas intervenus pour le retirer du marché. Alors aujourd'hui, en plus, avec l'administration Trump, il est bien évident que on va perdre du terrain. Et bon, on va voir ce que le Canada va faire, parce que le Canada a des pouvoirs autonomes de condamner et interdire ces produits-là. Mais actuellement, on est en retard sur les autres pays pour un calendrier de pour se débarrasser, un phasing out de ces néoniques. Mais je suis pas sûre de bien comprendre. Ça veut dire que normalement, l'ARLA fait une évaluation de la toxicité d'un composé avant d'un pesticide avant d'en autoriser l'utilisation. Et donc, elle n'aurait pas fait cette évaluation, ou alors elle n'a pas reçu les documents de l'industrie pour établir quelle était la toxicité de ces pesticides. Alors, c'est une évaluation du risque, et l'ARLAF a fait ces évaluations-là à partir de documents qui lui sont soumis, qu'elle demande aux industries. Il y a de bonnes raisons de penser que l'ARLA n'a pas été très curieuse et n'a pas demandé tout ce qu'elle aurait dû exiger de demander aux industries. Par ailleurs, l'ARLA, quand ça se passe comme ça, elle accorde une homologation conditionnelle. Elle dit à l'industriel, bon, OK, on accepte l'homologation, mais vous nous devez encore les résultats de telle étude en plein champ pour la toxicité sur les abeilles, la toxicité sur les insectes aquatiques, les cours d'eau, des trucs comme ça. Et on se rend compte que les homologations conditionnelles durent et perdurent au Canada. Il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire que l'industrie a dépassé, et ça on le sait plusieurs fois, plusieurs industriels ont dépassé les dates de délai qui étaient laissées par l'ARLA pour fournir des documents, mais il s'est rien passé. Ils ont toujours gardé leur homologation conditionnelle. Elle n'a pas été levée. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'ARLA n'utilise pas ses pouvoirs pour réglementer une fois qu'elle a homologué les produits. Elle ne l'a jamais fait, et c'est pas seulement moi qui le dis, enfin je ne fais que répéter ce que la vérificatrice générale en 2015 a dit dans un rapport qui était mais vraiment cinglant vis-à-vis de l'ARLA. L'ARLA ne fait pas son travail, il y a des négligences et c'est assez grave, puisqu'il y a des produits qui sont en homologation conditionnelle depuis depuis une douzaine d'années, alors que les preuves de la toxicité n'ont pas été bien établies. Mais justement, vous parlez donc de ce rapport de la commissaire à l'environnement et au développement durable. Donc, vous en parlez dans votre livre. Donc, ce rapport, il a dû circuler au sein du gouvernement fédéral. Oh oui, certainement. Et je pense qu'on pourrait encore en entendre parler à nouveau, parce que ce rapport a été produit lors du précédent gouvernement, le gouvernement Harper, qui n'était pas très, disons, qui était plutôt laxiste sur la réglementation des pesticides. Le nouveau gouvernement libéral se dit plus actif, mais pour l'instant, il n'a pas encore pris de décision, il n'a rien fait, mais moi, je m'attendrais à ce que la réglementation sur les pesticides soit revue et que au moins on rappelle à l'ordre l'ARLA dans sa façon de s'occuper de ces questions-là. Pour finir aussi, Monsieur Rogel, bon, imaginons que finalement ces problèmes-là se règlent, que l'ARLA, dans le monde, je veux dire au Canada, mais pas seulement au Canada, ailleurs dans le monde, les néonicotinoïdes disparaissent de l'agriculture. Est-ce qu'ils seraient remplacés par une autre molécule, on espère moins nocif pour les abeilles, ou est-ce que l'agriculture peut se passer de ces insecticides? Bon, alors c'est deux choses. Ils sont déjà en partie remplacés parce qu'il y a de nouveaux insecticides qui sont dans une classe neurotoxique différente des néonicotinoïdes. Donc, on peut espérer qu'ils auront moins d'effets sur les abeilles domestiques. C'est du moins ce qui a été prouvé jusqu'ici, mais il va falloir attendre quelques années en plein champ. Et à chaque fois, je dis qu'on expérimente sur les abeilles. Donc, l'autre question, c'est est-ce qu'on pourrait se passer des insecticides de synthèse, des insecticides chimiques, là, qui sont une... En fait, c'est, leur essor date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis ça a augmenté, et c'est actuellement, on ne voit pas la fin de cette utilisation. Alors, dans l'état actuel de l'agriculture qui est très intensive sur de très grandes surfaces, je vois pas comment on peut se passer des insecticides chimiques, mais on peut certainement les utiliser à bon escient et en utiliser beaucoup moins. Certainement pas de façon préventive, d'ailleurs. C'est un peu ridicule. Donc, faut revenir à une utilisation rationnelle des pesticides. Puis, ultimement, ben, faut faire une agriculture qui ait besoin le moins possible de pesticides de synthèse. Alors, il y a une solution qui existe, c'est l'agriculture biologique. C'est sûr qu'on va utiliser des produits pour traiter les infestations d'insectes nocifs, mais ce sont des produits qui sont organiques, qui sont biologiques, et il n'y a pas cet empoisonnement continuel de l'environnement, parce que c'est pas seulement les insectes, mais c'est les courteaux, c'est toute la chaîne écologique, là. Puis on partage ces mêmes écosystèmes avec les insectes. On est très différents biologiquement, mais on le partage. Donc, si on protège nos abeilles, on se protège nous-mêmes, on protège notre santé. Alors, ultimement, va falloir en venir à ce que l'agriculture intensive change, qu'on trouve une agriculture qui utilise le moins possible d'insecticides et seulement dans des cas prouvés. Alors, il faut aller vers là et il faut que l'agriculture, la part de l'agriculture biologique augmente aussi. Puis peut-être aussi que l'agriculture intensive qui est essentiellement basée sur des monocultures aussi favorise aussi les infestations par des insectes. Il y aurait peut-être ça aussi à revoir également. Oui, parce qu'on a prouvé que lorsqu'il y avait des monocultures, mais c'est sûr que quand un insecte s'habitue aux pesticides et qu'il devient résistant, là, on a des ravages qui sont beaucoup plus grands et ça demande, c'est une espèce de course aux armements, de toujours essayer de mettre au point des insecticides qui sont plus puissants, plus forts. Alors, on essaye de diminuer les doses parce qu'ils sont plus toxiques, mais s'ils se répandent dans l'environnement et s'ils restent rémanents, s'ils restent dans le sol, dans l'eau, eh bien, ils attaquent les insectes qui sont utiles. Et je dis et je redis que notre agriculture, de façon générale, elle dépend terriblement des abeilles. Alors, faut voir ça, puis il faut réfléchir dans ce sens-là. C'est la biodiversité qui est en jeu. Exactement, c'est bien vrai. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rogel, pour cet aperçu de votre livre, dont je rappelle le titre d'ailleurs, « La crise des abeilles, une agriculture sous influence », est paru aux éditions Multimonde. C'est un livre de 180 pages et quelques, une lecture assez facile. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir davantage sur l'effet de ces néonicotinoïdes sur les abeilles et aussi sur leur homologation, parfois sans condition, bien, je vous invite à vous procurer ce livre et à le dévorer. Merci beaucoup, Monsieur Rogel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on va faire une petite pause musicale et publicitaire sur CKRL au 89.1. Après quoi, ce sera Camille Vellefebvre qui nous parlera d'une étude sur les retombées socio-économiques des activités de plein air.